Yeah, futur proche. Yeah. Que le dirty repose en paix, l'ami. Bah ouais, c'est un bon son de Wu-Tang. J'écris des vers, mais je suis qu'un vers dans le fruit défendu. Pas là pour plaire, comme le dit mon frère à la dent dure. J'ai rien demandé, sans doute, car je suis fier. Putain, ce CD fera parler, mais surtout en fera taire plus d'un. Aucun souffle, cœur, appelle-moi Roulian Ross. Souvent saoul, j'écris mes couplets à l'eau de rose. Toujours la même, toujours au même stade. Toujours on reste à deux, toujours la merde, mais plus aux mêmes âges. J'quatre les bancs, bouteilles vides, putain que j'étais bête. Les grands de mon quartier s'appellent encore les sages poètes. J'écoute mes vieux démons, déjà me poussent à boire. Pour un homme, je quitterai ma femme pour une pouffe d'un soir. Merci Marcus, tu as tout d'un frérot. On boit du noir, non, même si nos vies sont pas tout à fait roses. Seuls les miens comptent et avec ça je badine pas. J'écris beaucoup, mais j'ai du mal à voir le bas d'une page. Pas terrible, texte à l'ancienne sur mon Blackberry, pas terrible. Ton nouveau rap rempli de bactéries. Je reste cool, je me la coule douce, ma gueule. Rien à foutre d'un gueule. Et plus je m'écoute et plus les doutes m'accueillent. Alors, terrible, texte à l'ancienne sur mon Blackberry, pas terrible. Ton nouveau rap, c'est pas Jacques Mérine. Je reste cool, je me la coule douce, ma gueule. Rien à foutre d'un gueule. Et plus je m'écoute et plus les doutes m'accueillent. Rap now is a circus of clowns. The clowns, the clowns. Rap now is a circus of clowns. The clowns, the clowns. Rap now is a circus of clowns. The clowns, clowns. Now let's get it all in respect. Loin d'être précaire, je suis déter. Jette un œil sur le monde, fumant mon super. Souris à la merde, je n'ai plus rien à perdre. Temps à gagner, limite mes affaires et mon temps de parler. J'ai écrit ma vie, mes échecs, ma réussite, mes échelles. Sur ces pitres, sur ces chiennes, pour ma ville, pour mes checks. Dans ma tête, c'est le Far West. Il veut que je bève mon sol ou elle, que je reste seul à nettoyer le sol. Pour mes absents qui ont décoré le ciel. Pour ma malchance qui m'ont redonné des cernes, ma leur fait des siennes. Elle brûlait, de quoi faire chialer les mômes. Pas de quoi changer le monde, mais de représenter le nom. Je me fais rare dans ce game. Je rappe quand j'éprouve le besoin. Quand j'ai moins, j'écris un texte avec mon jack et mon joint. Trop de fois déçu l'éternel. On m'a dit c'est dead mec, t'as trop péché, oublie la terre. Toujours pas terrible, texte à l'ancienne sur mon Blackberry, pas terrible. Ton nouveau rap rempli de bactéries. Je reste cool, je me la coule douce, ma gueule. Rien à foutre d'un gueule. Et plus je m'écoute et plus les doutes m'accueillent. Alors, car terrible, texte à l'ancienne sur mon Blackberry, pas terrible. Ton nouveau rap, c'est pas Jacques Mérine. Je reste cool, je me la coule douce, ma gueule. Rien à foutre d'un gueule. Et plus je m'écoute et plus les doutes m'accueillent. Sous la pluie. Alors mon cœur a fini par rouiller. Si la roue tourne, j'attends encore qu'elle finisse par rouiller. J'ai pas la plume d'un dieu, de l'indice ou l'un d'eux. J'suis comme beaucoup, j'galère à sortir un disque en indé. Mort de faire semblant, et moi de faire sembler. J'marche de travers comme si j'avais une balle dans le pied. Toi sans moi, c'est comme les gunners sans Arsène. Ça devient chiant comme les trois quarts des rappeurs de Marseille. Classique comme Illmatic, Illuminati, PDS et ma clique. Train des clichés comme un 5D. Malgré les coups de pute, les faux potes, on fonctionne toujours en indé. Alors au blaf qui jase, dealer, qu'on a fait nos places. Le rap, on s'en bat les couilles, les gars. Arrêtez vos clashs, j'en fous d'être légendaire. Je veux être exemplaire, comme l'a été Gwendé depuis tout gosse, mon grand frère. Poto, j'm'en bats terrible, texte à l'ancienne sur mon Blackberry, pas terrible. Ton nouveau rap rempli de bactéries. Je reste cool, j'me la coule douce, ma gueule. Rien à foutre d'un gueule, et plus j'm'écoute et plus les doutes m'accueillent. Alors, car terrible, texte à l'ancienne sur mon Blackberry, pas terrible. Ton nouveau rap, c'est pas Jacques Mérine. Je reste cool, j'me la coule douce, ma gueule. Rien à foutre d'un gueule, et plus j'm'écoute et plus les doutes m'accueillent.